les fans, entre guillemets, ont besoin de connaître la vie des vedettes, c'est naturel. Et puisque Voici ne fait pas correctement son travail, en ignorant obstinément les allergènes insecticides, ces derniers ont décidé de vous révéler, en exclusivité, la vie du plus étrange de leurs membres. J'ai nommé Vincent L'Autre.